sonar. Ok. La ténébreuse unité de feu. Gros dash. Néochrome bande de putain. Ok. Shizzle. Rien n'a changé depuis. Haine, misère et crasse. Jacques Chirac est libéral. Mais ma musique reste illégale. T'as dû voir ma gueule sur quelques griffes. Faut pas prendre la grosse tête recherchée par le trésor public. Depuis tout petit, on a appris à faire du bif avec les bifs de Samsung, puis le deal de Cacheton. T'as dû voir mon freestyle à planète rap. Mais dans ce milieu, y'a que des basses, on aurait dit un panier de crabe. T'as dû me pratiquer dans la rue comme un ouf. Ça fait le grave V16, dans ce crête comme la chouf, gros. Ta matière grise, mets de côté les biscottos. Fais pas de la street promo si tu chantes la slick domo. Toujours présent pour que la famille du 9 agraille. Même si l'orgueil nous sait pas, je suis loin des traites et des refrains gras. 400 ans parce que le rap fait écarter les bœufs. Cousin, c'est dans ce monde ça, musique c'est les bœufs. Et tu le sais, buvez, sucez, hurlez, brûlez. Février, les Ulysses réunis, on vient régaler les puristes, écarter les suspides. L'unité de feu, gros dash et sonar, c'est du rap haut de gamme, venez lécher nos godasses. Février, les Ulysses réunis, on vient régaler les puristes, écarter les suspides. L'unité de feu, gros dash et sonar, c'est du rap haut de gamme, venez lécher nos godasses. Allez fils, malgré les maléfices, méga séries, aucun d'entre eux baissera le Lévis. Suce-moi le pénis. Les gouttes de mon futur atterrissent sur des jaloux qui amaigrissent. Ici, on est les meilleurs, vous pouvez le dire. Bande de lécheurs, courez, vous repoudrez le pif. Nique l'état comme Yvan Colonna. Sous extra corona, je crée des belles faces colossales. Verse la mort, on rate dans la cabine, prise de voix. Les gamins et les gamines kiffent me voir. Je baisse de 18 à 88 ans, séduisant. J'envoie des sales refrains puissants. Les radios ne veulent pas me sur ma verge. On va défourailler comme à Jérusalem. Papa. N'est plus la haine. On est la crème du 91, notre république n'est plus à faire. Ouais, ouais, l'unité de flamme. Gros dash, 2008. Février, les Ulysses réunis, on vient régaler les puristes, écarter les suspides. L'unité de feu, gros dash et sonar, c'est du rap haut de gamme, venez lécher nos godasses. Février, les Ulysses réunis, on vient régaler les puristes, écarter les suspides. L'unité de feu, gros dash et sonar, c'est du rap haut de gamme, venez lécher nos godasses. On m'appelait tortue mutante nourrie au smax de Kellogg's. Grâce à sa tête rocomicro, je mac toutes les lobes. Smart sur des lobes, tu crois que j'ai la plaque des cops. Vrai comme je me rappelle de nos blagues d'école. De mon premier bad trip en une seule latte, je décolle. Tout ça me paraît loin, maintenant il me faut un tas de bédo. Je me souviens bien que je voulais un taf dans le pétrole. Maintenant que je n'ai rien, je me rappelle des phrases de mes profs. Plaque du ghetto, au micro je remplace tous mes potes qui traquent des pesos, des métaux qui smash le décor ou masse le cerveau. Je fais toujours le max, le best of ma place de resto. Comme quand j'avais l'âge de ces gosses aux frappes de bière off. Augmentez la stéréo, même si vos parents comme ma mère frapperont vos crânes de précoce. Quand je cause de ma famille, je parle de mes forces, de mes flots apparus sur tape sur une traque de méthode.